whatever music. On se promit de se marier. Malgré tout, tu m'as attendu. Avec toutes mes bêtises, tu m'as aimé et toujours supporté. C'est les jours des jours, bébé. C'est le plus beau jour, my love. C'est le jour du mariage devant Dieu et tous les hommes. Mariage, mariage, en un fourreau donné c'est la vie. Mariage, mariage, en un cogne donné bien. Mariage, mariage, en un fourreau donné c'est la vie. Mariage, mariage, en un cogne donné bien. À la vie, à la mort, à la vie, à la mort, à la vie, à la mort. A la muerte, a la vie, a la muerte, a la vie, a la muerte, a la vie, a la mort. Comme promis, bébé, aujourd'hui je vais t'honorer. Voilà ta bague, bébé, aujourd'hui on va se marier. Malgré toutes nos amours et nos galères, on s'est promis d'y s'aimer. Ne exilu yana bin yeshua ke uchamambare perlira. C'est les jours des jours, bébé. C'est le jour du mariage devant Dieu et tous les hommes. Mariage, mariage, en un fourreau donné c'est la vie. Mariage, mariage, en un cogne donné bien.